Moi, j'ai connu un copain qui avait la passion du jeu. C'est affreux. Il était là. Sa femme, un jour, lui a dit, écoute, on a un petit bébé, on a un appartement. Tu as vendu le magasin que mon père t'a offert lorsqu'on s'est marié. Je crois que je vais demander le divorce si tu continues à jouer. Je ne jouerai plus. Plus jamais, c'est vrai, tu as raison. J'ai eu la passion du jeu, c'est fini. Je ne jouerai plus jamais. Tu vois, je te donne mon carnet de chèques. Mais comme j'ai une telle passion du jeu, je voudrais, sois gentil, donne-moi 5 francs et puis je vais aller voir jouer, mais je ne jouerai pas. Et le type, il va au casino. À vos jeux, faites vos jeux. Je sais pas, moi, tel que je me vois aujourd'hui, si je jouais, je peux pas jouer, j'ai que 5 francs dans la poche. Moi, je jouerais le 5, dis donc. Le 5, en plein dans le 5. Rien ne va plus à vos jeux, faites vos jeux. Le 5, impair, noir et manque. Oh, tchut, tchut, tchut, tchut. 36 fois la mine, dans un gain, ça fait dans les 1800 francs. Qu'est-ce que je ferais de ça? Qu'est-ce que tu ferais? Moi, je laisse la mine. Tiens, je remercie le numéro. Je remets 10 francs sur le 5 et le reste à noir. Je pense que c'est bien comme ça. À vos jeux, faites vos jeux. Rien ne va plus. Le 5, répétition. Qu'est-ce que je vais foutre de tout ce pognon, Nino? J'ai 10 francs plus 5 francs, ça fait dans les 3006 plus 1800, plus ce que j'ai au noir. Tiens, je prends tout et je mets un rouge, Nino. Je sais pas pourquoi je mets un rouge. Mettez-moi tout un rouge. À vos jeux, faites vos jeux. Rien ne va plus. Le 2, rouge. Il sort ses 5 francs, il les jette sur le tapis vert, il fait pour le personnel.